Et pour demander « Et toi ? Qu'en est-il de toi ?» Il suffit d'ajouter le petit mot « Non, non, point fermé, non. » Alors on l'ajoute tout simplement à la phrase qui précède pour demander « Et toi ? Et lui ? Et elle ?» etc. Donc par exemple, si vous venez de dire « Je suis français », ensuite, pour demander « Et toi ?», vous direz « Tu ?» suivi de « Nain ». Littéralement, « Je suis France personne, tu ?» Nain, ou en chinois, ni nain. Alors, comment diriez-vous « Je suis français, je ?» Wo suis ? Shi France ? Fa guo personne ? Ren ? Et toi ? Ne ? Alors, on ne sait pas si vous parlez de lui, d'elle ou de toi. Alors, vous devez prendre le mot « tu » suivi du mot interrogatif. Donc, dites « Et toi ?» Ni ne ? Wo shi fa guo ren, ni ne ? Comme le prénom féminin Nina. Alors, comment dirait maintenant une femme « Je suis française ?» Wo suis shi France fa guo personne ren et toi ni ne wo shi fa guo ren ni ne. Alors maintenant, dites-moi, elle est française, mais je suis anglais. Et toi ? Alors d'abord, elle. Ta. Est. Shi. France. Fa guo. Personne. Ren. Mais. Ke shi. Je. Wo. Suis. Shi. Angleterre. Ying guo personne. Ren. Et toi? Ni ne. Ta shi fa guo ren. Ke shi wo shi ying guo ren. Ni ne. Bon, maintenant on va dire es-tu français? Et la réponse ce sera oui. Alors d'abord, dites tu. Ni. Est. Shi. France. Fa guo. Comment dites-vous France? Fa guo. C'est ça. Et maintenant, personne. Ren. Et le mot interrogatif? Ma. Et maintenant, dites oui. Shi. Ni shi fa guo ren ma? Shi. Et maintenant, comment dit-on es-tu chinois? Alors, tu. Ni. Es. Shi. Chine. Zhong guo. Personne. Ren. Et le mot interrogatif? Ma. Ni shi zhong guo ren ma? Et maintenant, dites-moi, je suis anglaise, et toi? Alors d'abord, je. Wo. Suis. Shi. Angleterre. Ying guo. Personne. Ren. Et toi? Ni ne. Wo shi ying guo ren. Ni ne. Et maintenant, comment dirait-on? Je suis français. Et eux? Alors d'abord, je. Wo. Suis. 是 France 法国 Personne 人 Et qu'en est-il d'eux? Autrement dit, et eux? 他们呢 Oui, et comment dites-vous il ou elle au singulier? 他 Comment dit-on il ou elle au pluriel? 他们 我是法国人他们呢 Et maintenant, comment direz-vous? Ils sont tous chinois. Alors, ils au pluriel. 他们 Tous 都 sont 是 Chine 中国 Personne. Ren. Ren. Tamen. Dou shi. Zhongguo ren.